Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de nos découvertes ornithologiques lors des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ? Eh bien, aussi bien que la semaine dernière à la même heure. Enregistré à la même heure la semaine dernière. À peu près, je crois. Non, si. Enregistré pas dimanche. Je sais plus. Oh, les épisodes se suivent et ne se ressemblent. Ils se ressemblent. Non, ne se ressemblent pas. C'est ça le but de l'émission. Hein. Heureusement qu'on est censé parler de sujets différents, effectivement. Quoique, avec mon sujet, on peut se poser la question. Ah. Oui, alors tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Eh ben, je vais vous parler à nouveau de grippe aviaire. Oh bah tiens donc, ça fait longtemps. On a déjà parlé de ça. Je vais vous parler du virus H5N2 qui a été détecté au Mexique. Ça fait la une de la presse il y a quelques heures, quelques jours, avec le premier cas de décès à cause de ce virus au Mexique. Mais on va quand même essayer de décortiquer un petit peu tout ça, voir ce qui est effectivement problématique et voir ce qui l'est un peu moins. Donc voilà, on va s'appuyer notamment sur les documents de l'Organisation de la Santé, mondiale de la santé, pour pouvoir parler de tout ça. Et toi, tu vas parler d'un oiseau disparu, donc. Et oui, et on va parler d'une espèce de moa. Mais vu que ton sujet, il a fait la une, est-ce que tu voudrais pas commencer ? Je vais commencer effectivement donc avec un témoignage du 23 mai 2024. C'est le Mexico International Health Regulation et plus précisément le National Focal Point. Donc en gros, tout ce qui va être communiqué important qui vont être sortis, qui a signalé un cas d'infection à la grippe aviaire au H5N2 qui a été détecté chez un résident qui vit dans l'état de Mexico. Il était âgé de 59 ans. Il a été hospitalisé à Mexico et il est malheureusement décédé. Un décès qui est intervenu le 24 avril, donc le temps évidemment que l'on mette en place tous les différents dossiers, le temps qu'on ait aussi la possibilité de traiter toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne, ça prend du temps et c'est pour ça que cet article a été remonté uniquement il y a quelques jours, le 5 juin 2024 pour être précis. On enregistre le 7, donc voilà, c'est pour ça aussi que ça prend un petit peu de temps et c'est une information bien sûr qui a fait la une des journaux parce que oui, cette personne est malheureusement décédée. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Pendant à peu près 3-4 semaines, elle a eu pas mal de soucis de santé, de la fièvre, des essoufflements, de la diarrhée, des nausées et malaise. Et cette personne a été transportée à l'hôpital le 24 avril dernier, donc à l'Ismael Cosio Villegas pour y être hospitalisée. Et malheureusement, cette personne est décédée. Alors, maintenant que cette personne est décédée, il faut déterminer si effectivement cette fameuse souche virale H5N2, elle est responsable du décès de la personne. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On va réaliser bien évidemment divers types de tests, des séquençages en laboratoire pour déterminer évidemment s'il y a un lien. Et il s'est avéré que l'échantillon qui a été envoyé était positif au virus H5N2. Le 20 mai, on a fait d'autres tests qui ont eux aussi donné un résultat positif à la grippe A et plus précisément donc au virus H5N2, grippe A bien évidemment pour grippe aviaire. Mais je vous l'ai dit, il y a aussi 17 autres personnes qui ont été cas contact et qui ont dû être également testées pour savoir si le virus se transmet de personne à personne. L'objectif étant évidemment de savoir si celui-ci peut être pathogène ou pas. Et il s'est avéré que sur les 17 personnes qui ont été testées, tous les résultats se sont révélés négatifs. à la fois pour la grippe A, mais aussi pour la Covid, parce que les symptômes étant assez finalement proches de ceux de la Covid, bah, on aurait pu aussi effectivement considérer qu'il pouvait s'agir d'une transmission ou d'un décès lié à la Covid-19. Ça ne veut pas dire forcément que les personnes n'avaient pas des soucis de santé légers. Il y a par exemple des personnes qui ont eu des écoulements nasaux. Il y a une personne qui a eu un écoulement nasal. C'est des données qui sont très importantes à prendre en considération. Mais voilà, ces personnes ont été identifiées et sur les différents résultats qui ont été donnés, on n'avait que des résultats négatifs pour à la fois la Covid, pour la grippe aviaire A et l'influenza B. Ça, c'est des tests de PCR qui ont été réalisés. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette source H5N2, elle a été détectée en mars 2024 dans un foyer à Texcoco. On est à nouveau dans l'état du Mexique et on est toujours dans l'état du Mexique avec un autre foyer qui avait été détecté. Et c'est la première fois que l'on a ce cas d'influenza aviaire d'H5N2 qui est détecté chez une personne et que cette personne finit par décédé. Néanmoins, l'Organisation nationale de la santé se veut rassurante, contrairement à tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, parce que l'information va vite et on n'a parfois pas le temps de la traiter. Tu sais ce que c'est, malheureusement, Sophie. Ils ont décrit que la circulation du virus H5N2 était déjà faiblement pathogène. Qu'il y avait un rapport d'ailleurs qui avait été publié en 2022, qui n'est malheureusement pas accessible en ligne. Il est listé dans les différentes sources fournies par l'Organisation mondiale de la santé. Mais voilà, ce sont des cas que l'on prend évidemment très au sérieux. Et on parle du virus H5N2, mais il faut savoir que un autre virus, cette fois-ci le H5N1, a fait lui aussi parler, puisque aux alentours de mars-avril dernier, ce virus a été signalé aux États-Unis parmi des millions de vaches laitières du pays, et 220 personnes ont fait l'objet d'une surveillance. 30 ont été testés, mais encore une fois, il n'y a eu aucun de cas. Le virus H5N1, je lis le communiqué des Nations Unies, n'a jusqu'à présent montré aucun signe d'adaptation permettant une transmission d'humain à humain, a déclaré mercredi l'Agence des Nations Unies. C'était le 9 mai dernier, même s'il faut bien évidemment faire appel à une surveillance continue pour évidemment prendre le pied sur une possible expansion de celui-ci. Aussi, un autre point assez intéressant, c'est que on a remarqué que les tests préliminaires montraient que la pasteurisation tuait le virus. Donc la pasteurisation, c'est ce processus qui permet de réduire le nombre de micro-organismes qui sont présents dans le lait par un traitement thermique. Ces virus ou ces bactéries, en tout cas ces micro-organismes, sont visiblement éliminés par la pasteurisation. Et c'est pour ça que le risque pour la santé a été considéré faible par l'Organisation des Nations Unies. Néanmoins, et je tiens à terminer là-dessus, puisque il y a à peu près 24 heures, le secrétaire à la santé, Jorge Alcocer, donc secrétaire à la santé, bien évidemment, au Mexique, a nié les conclusions du rapport de l'Organisation mondiale de la santé, et ce par un point assez intéressant qui n'est pas précisé par le communiqué de l'OMS, puisque il n'y est pas fait mention de l'état de santé du monsieur qui est décédé à l'âge de 59 ans. On sait qu'il n'est pas rentré en contact avec des volailles. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais effectivement, il n'est pas rentré en contact avec des volailles. Mais il faut savoir que son état de santé était particulièrement préoccupant, puisque cette personne souffrait de diabète de type 2 et avait des problèmes de pancréas. Donc l'un dans l'autre, on peut se demander si effectivement tout cela a permis, ou plutôt a fait en sorte que cette personne finalement décède du virus, ou si c'est finalement quelque chose d'extérieur et que le virus était juste présent ici en facteur non aggravant. Donc voilà, Jorge Alcocer qui a également pris la parole, c'était il y a à peu près 24 heures au moment où on parle dans cette émission. Mais voilà un petit peu pour resituer, parce que beaucoup se disent « Oh mon Dieu, on est encore reparti pour une épidémie oui. ». Non, pour l'instant, rien du tout. On a une transmission qui est faible, voire quasiment inexistante, comme les différents chiffres de l'OMS le montrent, d'humain à humain, parce que c'est toujours ça qu'on analyse, d'humain à humain. Et eh bien, il faut bien évidemment se montrer prudent. On ouais. rappelle les gestes, et tu les rappelleras, Sophie, d'ici quelques instants. On reste quand même sur quelque chose qui présente un faible risque de pathogénicité, si mes souvenirs sont bons pour le mot, par rapport à cette nouvelle souche, du virus de la grippe aviaire. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de grippe aviaire, alors j'avais lu en passant très vite, mais c'est vrai que je ne m'étais pas attardée sur le sujet, il semblerait qu'il y ait des vaccins qui soient mis en route récemment, donc qui est disponible. Est-ce que je ne sais pas si t'en sais un peu plus. On en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait sur la grippe aviaire, Sophie. C'était, je crois, en septembre ou en octobre dernier, où le gouvernement français avait justement autorisé les campagnes de vaccination pour les volailles. Je crois que c'était 20 millions de volailles qui étaient concernées par cette vaccination. Pour l'instant, en tout cas pour H5N2, aucun traitement n'existe, ça c'est sûr. Pour H5N1, je ne sais pas du tout. D'accord. Voilà. Parce que visiblement, ils commencent à considérer donc des plateformes vaccinales pour la grippe aviaire pour les humains cette fois-ci, pas seulement parce que pour les oiseaux, c'est vrai que ça existe, mais pour les humains cette fois-ci, on est parti. Et ils le considèrent d'autant plus d'autant plus urgemment qu'on a effectivement eu le Covid récemment, et que si jamais une autre zoonose telle que celle-là décide de passer à l'espèce humaine, eh bien, on aurait besoin de quelque chose pour la contrôler. Mmh. Et un vaccin, c'est encore le meilleur moyen de le faire. Donc, je me demandais si tu avais des idées sur quelle souche de grippe aviaire ils avaient utilisé pour commencer ces recherches sur ce vaccin. Donc, je sais pas. Il me semblait que c'était le H5N1, mais j'étais plus mais totalement sûr. Je pense que c'est le H5N1, puisqu'il y a beaucoup de cas de décès. Alors c'est très sporadique, mais on a parfois des cas de dizaines, voire de centaines de personnes qui meurent. Je crois que c'est en 2019 où on avait eu une centaine ou une deux centaines de décès qui avaient été répertoriés en Chine, si mes souvenirs sont bons, à cause justement de cette grippe aviaire. Et puis il y avait la grippe A aussi, alors je ne sais plus dans quelle année c'était, en 2008-2009, qui pareil avait pris le gouvernement... on va dire, à commander 94 millions de vaccins. Je ne sais pas si vous en rappelez, à l'époque de cette commande de vaccins, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. C'était peut-être Rachida Dati qui avait pris cette décision, ou une autre personne. Son nom m'échappe, je suis désolée, je suis nulle en politique. J'ai sa tête aussi, c'est pas Rachida Dati, c'est... C'est pas elle, non, Rachida Dati, elle était ministre d'autre chose à l'époque, mais alors ministre elle... Ministre de la Justice, je crois. Oui, mais... Attends, j'ai sa tête en plus. Ah zut. Je sens comment elle s'appelait. Elle était ministre de la Culture aussi. Oui, alors attends, zut. Oui, non, bah en plus... Ah zut, bon, je retrouverai son nom. Éventuellement, mais... Ce sera votre défi, chers spectateurs et spectatrices, de nous retrouver, chers auditeurs et chères auditrices, de retrouver le nom de cette personne qui va... Roselyne Bachelot, désolé. Roselyne Bachelot, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le terme. J'ai retrouvé le nom. Voilà. Et donc, Roselyne Bachelot avait commandé 94 millions de vaccins à l'époque pour la grippe A. Voilà. Donc, donc je pense que le vaccin doit exister depuis pas mal de temps, et la source H5N2, comme je l'ai dit, elle est suivie depuis 2022, en tout cas un papier, donc elle est suivie déjà depuis pas mal de temps, mais il y a un papier qui a été sorti sur son tracking qui est sorti en 2022 et qui est en source dans le papier de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais malheureusement difficile à trouver sur le net. Voilà. D'accord. Et donc voilà, ne vous faites pas avoir par toutes les informations que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Parce que j'en ai vu, hein, des levées de boucliers. Quand bien même les journalistes ont parfois très bien fait leur travail, il faut le saluer parce que c'est très très facile de tomber dans le sensationnalisme. Mais voilà, les réseaux sociaux vont très très vite. Oui. Donc voilà, il faut un petit peu tempérer en rappelant aussi les faits. Et ces faits, vous pouvez les retrouver bien sûr très facilement sur Internet. On vous fournira bien sûr les liens dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Eh bien, merci. Et pas de soucis. Merci d'avoir mis un peu du clair, de l'ordre dans toutes ces informations qu'on voit passer et qui sont souvent un peu affolantes. Mais toujours, mais surtout depuis la Covid. Hein, c'est, oui. Depuis la Covid, le moindre décès suspect de bactéries ou de virus fait craindre une escalade. Donc oui, il faut savoir tempérer là-dessus. Et puis, Sophie, on rappelle les gestes simples. Si jamais vous trouvez un oiseau, si tu veux bien évidemment les redonner pour tous les auditeurs et toutes les auditrices. Oui, alors dans le cas d'un cadavre d'oiseau évidemment, ou d'un oiseau vivant, Les deux. Alors si vous voyez que l'oiseau est encore vivant mais qu'il n'a pas l'air bien, il ne s'envole pas quand vous vous approchez, ou bien clairement son comportement n'est pas normal, eh bien vous appelez tout simplement le centre de sauvegarde de la vie sauvage qui est le plus proche de chez vous, et vous leur demandez comment faire, ils vous guideront à travers tout le processus si besoin est. Évidemment, vous ne touchez pas l'oiseau directement, si vous avez des gants, vous les mettez, si vous avez besoin de la porter au centre de sauvegarde, ils vous diront certainement de le mettre dans un carton avec une serviette au fond et de s'arranger pour qu'il reste calme, enfin, vous verrez bien. Mais en tous les cas, contactez quelqu'un, un spécialiste, pour s'occuper de l'oiseau. Si vous avez un animal qui est mort, que vous trouvez sur la plage, par exemple, mettons, vous vous baladez, il y a un goéland qui est là, un cadavre, eh bien, évidemment, vous ne le touchez pas, vous n'y mettez pas les doigts, ce sera encore mieux. Surtout si c'est la grippe aviaire, les symptômes, enfin, savoir si la carcasse est victime de la grippe aviaire ou pas, c'est très difficile comme ça sans faire les tests, donc vous ne le saurez pas. Du coup, vous essayez de ne pas le toucher de préférence, évitez que les autres personnes avec vous ne le touchent aussi, et tout simplement, si jamais vous avez besoin de le toucher parce qu'il est dans votre jardin pour le mettre quelque part, eh bien vous utilisez des gants et vous l'enfermez dans deux sacs plastiques pour être bien sûr que ça ne s'en aille pas. Et voilà. Voilà, et surtout n'oubliez pas de contacter vos mairies si jamais effectivement vous êtes notamment sur un lieu public. Parce que eh bien, ce sont ensuite elles qui vont gérer toutes les précautions à prendre, fermeture de parc par exemple, si jamais l'oiseau est retrouvé dans un parc ou autre. Je sais, c'est des conseils qu'on rabâche souvent dans le courrier de la Sterne, mais c'est très important, il faut les suivre, parce que sinon eh bien, ça peut mener à quelques complications, et il faut éviter ce genre de complications. Exactement, merci de les rappeler. Merci à toi. Bien, parlons maintenant. Un oiseau qui a disparu. Oh bah tout à l'heure. Est-ce qu'on pourra le retrouver celui-là par contre, non? Mais il y a Eric Buffetot a écrit un livre fantastique sur cet oiseau. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Qui s'appelle La poursuite de l'oiseau rock. Voilà. Eric Buffetot écrit toujours des livres fantastiques. Et oui. On le salue d'ailleurs s'il écoute le courrier de la Star. Exactement. Mais Eric Buffetot a écrit un livre fantastique. Qui parle, entre autres, de cet oiseau. Le MOA, du coup. Mais alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, le MOA? Ah ben, il ne dit pas grand-chose, parce que le MOA n'est plus vivant depuis à peu près 700 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le MOA est un gros oiseau. Enfin, pour être beaucoup plus juste dans ce que je vais dire, ce n'est pas un oiseau. En réalité, c'est un groupe d'oiseaux, vu qu'on a entre 9 et 11 espèces en fonction de à qui vous vous adressez, évidemment, de MOA. Dernièrement, on est plus autour de 9 espèces, avec peut-être quelques sous-espèces. Mais enfin, bon, vous savez à quel point ce genre de classification peut bouger assez rapidement. Mais en gros, c'est tout un groupe d'oiseaux qui sont éteints, qui vivaient donc il y a à peu près 700 ans, et ils vivaient en Nouvelle-Zélande. Et lorsque les Polynésiens sont arrivés en Nouvelle-Zélande, donc autour des années 1300, eh bien, ils ont tué les espèces de moa sur place en les chassant jusqu'à extinction, et ça a duré à peu près une petite centaine d'années. Et on a constaté dans les années 1440-1445 qu'il n'y avait plus aucun moa sur l'île et que leur prédateur naturel qui était sur l'île avait par là même disparu, vu qu'évidemment leur proie n'était plus là. Les prédateurs qui contenaient notamment le fameux aigle de Haast, l'aigle le plus grand jamais découvert sur Terre, avec une envergure assez incroyable et surtout un poids supérieur à celui de la harpie féroce que vous connaissez aujourd'hui, qui habite en forêt amazonienne. Très bel oiseau, la harpie féroce. Très très bel oiseau. Donc si vous connaissez un Mais petit belliqueux. Peu... Oui, bon après, bon voilà, hein, après il faut savoir que la harpie s'attaque quand même à des singes, mine de rien c'est un gros bestiau. Hein. Pour vous donner une petite idée, lorsque les ornithologues doivent aller inspecter les nids de harpies, ils mettent des armures médiévales. Voilà, ils mettent des cottes de mailles, ils mettent des casques en mailles, je vous assure, c'est pour donner une petite idée de la violence de l'oiseau. C'est ça, mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à taper sous Google harpie féroce et vous verrez, surtout si vous avez l'occasion de voir une harpie à côté de son fauconnier, parce qu'il y a certains fauconniers qui sont assez fous pour avoir ce genre d'oiseau sur la main de temps en temps, et vous verrez qu'en fait lorsque la harpie se pose sur la main du fauconnier, elle ne se pose pas sur sa main, elle se pose sur d'un côté sa main et l'autre patte vient se reposer sur son épaule. Parce qu'il y a de la taille quand même, quasiment à côté. Donc en fait, ça vous donne un peu une idée de la taille de l'oiseau comparé à l'humain. C'est assez incroyable. Donc vous imaginez... On est loin du faucon cresserelle. Hein, c'est... Ah non, c'est pas du cresserelle, non. Donc vous imaginez l'aigle de Haast plus grand que ça. Voilà. On est vraiment sur une belle bête. Et donc cet aigle de Haast, malheureusement, ce qui l'a tué, eh ben, c'est l'homme, hein, encore comme d'habitude, parce que indirectement, vu qu'on a tué ses proies, donc les moas, eh ben, l'aigle n'a pas survécu. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'aigle de Haast, on est là pour parler des moas, et plus précisément d'une des espèces de moas, alors pas la plus grande, vous connaissez certainement le moa géant qui avait été sur une gravure très très connue, que vous connaissez certainement de Sir Richard Owen, hein, si vous êtes sur la chaîne Entracte Science, vous connaissez le même associé. Donc Sir Richard Owen qui était... Alors, je crois que c'est une photographie, il me semble, qui a été prise avec un squelette de moa, de Dinornis, pour être exact, au niveau sur le genre de l'animal, hein, parce qu'il y a plusieurs genres de moa. Et donc, vous voyez l'animal qui est beaucoup plus grand que Sir Richard Owen et qui le dépasse d'un bon mètre, au moins, au niveau de la tête. Voilà. Donc, c'est des animaux qui peuvent être quand même assez gros. Les moas, ce sont de très gros oiseaux qui ne volaient pas. Qui ressemblait un petit peu à des gros émeus, un peu plus carrés, un peu plus massifs. Ouais. Voilà, avec des plumes plus ou moins similaires, et ils n'avaient pas de bras. Voilà. Rien du tout, même pas des bras vestigiaux, rien du tout. Il n'y a pas une petite main ou un truc comme ça, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment sur, sur un peu une espèce de gros kiwi aussi, si vous voyez l'animal. Sauf que tout le monde a tendance à penser donc que ces oiseaux, ce sont des gros oiseaux, très très gros. Mais en fait, dans le groupe, il n'y avait pas seulement que des gros oiseaux, il y avait aussi des petits. Et celui dont on va parler aujourd'hui, c'est un tout petit moa. La plus petite espèce de moa qu'on ait jamais retrouvée, qui était plus ou moins de la taille d'une dinde. Voilà. Ok. Donc il y avait une grosse différence morphologique entre les plus petits membres du groupe et les plus grands membres du groupe des moas, qui eux étaient carrément gigantesques. Donc la plus petite espèce de moa, alors il n'y a pas vraiment de nom français pour lui, en anglais il s'appelle le bush moa, donc le moa des buissons en quelque sorte, ouais, ouais. Voilà. Si on veut. Le petit moa. Voilà, le petit moa, donc Anomalopteryx didiformis, hein, pour son petit nom, qui est donc un petit animal de la taille d'une grosse poule ou d'une dinde, si vous préférez, éteint donc aujourd'hui, mais qui, très récemment, par une équipe de chercheurs qui s'intéressent au Moa, a vu son génome séquencé. Et pas juste séquencé un petit peu en se disant on va juste séquencer des petits morceaux du génome et puis ça va être marrant pour arriver peut-être à le classer avec les autres Moa et voir qui est plus proche de qui, hein, parce que c'est des choses qu'on fait régulièrement. Là non, ils ont décidé de prendre tout le génome et de séquencer tout le génome de l'animal, un peu comme on a pu le faire pour Néandertal ou pour le mammouth laineux, que vous connaissez certainement. Donc là, on a pris le génome de ce moa, on a tout séquencé, et grâce à ça, ils ont réussi à sortir quelques petites bricoles intéressantes qui finalement sont visibles grâce aux gènes trouvés dans ce génome, et notamment, ils ont pu se rendre compte qu'en fait, ce moa, tout comme n'importe quel autre animal, était capable d'avoir plus ou moins les mêmes cônes et bâtonnets qu'un oiseau actuel, et qui pouvait aussi voir dans l'ultraviolet, par exemple, ou alors qu'ils avaient aussi un très bon odorat et un très bon sens du goût, et qui pouvaient même avoir le goût pour certains aliments, vous savez, le fameux goût un peu bizarre qu'on trouve umami, voilà, qu'on trouve notamment dans les plats japonais, et ben ils avaient des récepteurs à l'umami dans la bouche. Il n'y a pas l'uyuni, c'est un salar en Bolivie, ça n'a rien à voir. Non, pas l'uyuni, umami. Voilà. Donc, alors, c'est un peu une des premières études, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, qui est, alors c'est pas la première, mais en tout cas pour les oiseaux, ça fait quand même office de précurseur, en quelque sorte, dans ce groupe-là, pour arriver à séquencer le génome d'un animal éteint, et à nous dire exactement comment il voyait le monde, et comment il goûtait le monde autour de lui, donc comment étaient ses sens. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter, souvent, quand on parle d'un animal éteint, parce que on sait plus ou moins à quoi il ressemblait, surtout dans le cas des moas, grâce au squelette qu'on a retrouvé, donc on sait, voilà, quelle taille il avait, quelle forme générale il pouvait avoir, et puis, en plus, pour les moas, ils sont pas éteints depuis si longtemps, ça fait 700 ans à peu près qu'ils sont partis, mais on a encore des momies de ces animaux, donc on a des plumes, on a ce genre de choses, on a même le contenu stomacal de certains de ces animaux, donc on sait plus ou moins ce qu'ils mangeaient. D'ailleurs, ils avalaient des pierres un peu comme les poules pour arriver à broyer. Okay. Ah oui, il y avait ce qu'on appelle des gastrolithes, donc qui sont des pierres que les animaux avalent pour essayer de broyer la nourriture qu'ils vont ingérer. Donc on connaît leur régime alimentaire, on sait on sait plus ou moins comment est-ce qu'ils mangeaient, on sait quelles étaient leurs habitudes du coup, mais on connaît pas forcément beaucoup de choses sur leur biologie, sur leur sens, sur comment ils voyaient le monde, et ça, étudier le génome et arriver à trouver ces gènes qui vont coder pour, par exemple, des récepteurs sur la langue, ou bien des cônes ou des bâtonnets, pour savoir exactement comment ils voyaient le monde, c'est quelque chose qui est finalement assez récent, assez nouveau, et qui permet vraiment, alors je dirais pas de se mettre dans la peau de l'animal, mais au moins de comprendre un petit peu quelles étaient ses habitudes et comment il vivait vraiment au jour le jour. Et ça c'est quand même assez incroyable quand on essaie de reconstituer des environnements passés, parce que ça nous offre beaucoup, beaucoup de connaissances sur cet animal. Donc c'est juste un début. Grâce à ce séquençage d'ADN, on peut faire beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, et d'ailleurs les chercheurs dans leur étude l'ont laissé assez ouverte sur la fin, on vous mettra le lien en description, hein, évidemment, vous pourrez aller lire tout ça. Ils l'ont laissé assez ouverte tout simplement parce qu'ils ont envie de continuer ce travail sur cet ADN qu'ils ont pu récupérer, et leur but c'est de continuer à analyser les gènes dans ce génome pour savoir pourquoi ils codent et si peut-être ils peuvent trouver d'autres caractéristiques intéressantes qui peut-être plus tard pourront être appliquées à d'autres squelettes ou d'autres oiseaux fossiles ou momifiés qui ont disparu aujourd'hui et qu'on a peut-être envie de mieux connaître. Voilà. Ça me rappelle une étude qui était sur le dodo. On avait parlé du dodo dans un précédent épisode. Et oui. Qui avait mis en relation le cycle de reproduction du dodo et la saison des cyclones. Qui était particulièrement intéressant. C'était dans un... Je ne sais plus si c'était dans un Science et Vie que j'avais lu ça ou si c'était dans Espèce. Je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, c'était super intéressant et... Et c'est assez remarquable. Parmi les choses que les chercheurs espèrent trouver en perspective avec le séquençage de ce génome, est-ce qu'il y a déjà des pistes qui sont avancées ? Non, pas pour l'instant. C'est assez ouvert, vraiment. Donc, ils espèrent aussi. Alors, il y a une des pistes qui est ouverte aussi, qui est notamment la reconstruction phylogénétique. Mais ça, c'est assez basique dans tout ce qu'on fait sur les études sur le génome chez tous les animaux en règle générale. C'est savoir qui est plus proche de qui est cousin avec qui est parent avec qui. Et l'évolution en règle générale de l'arbre de ces oiseaux pour savoir comment est-ce que ça s'est formé, parce que je sais pas si vous le savez, et c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, les moas, c'est un groupe d'oiseaux qui est assez bien connu, qui appartient à un groupe qu'on appelle les paléognathes. Dans les paléognathes, vous avez non seulement les moas qui sont éteints, mais vous avez aussi des espèces comme les autruches, les rhéas, les tinamous, les oiseaux éléphants qui sont les aepyornithiformes, qui vivaient à Madagascar, qui sont éteints eux aussi. Les kiwis, les casoars, les émeus, bref, tous ces oiseaux qui sont parfois un peu spéciaux, qui sont généralement placés à la base de l'arbre phylogénétique des oiseaux, par considérer comme une des plus anciennes lignées des oiseaux, qui a posé beaucoup de questions d'ailleurs au niveau phylogénie, parce qu'on s'est dit, mais comment, pourquoi est-ce qu'ils ont. Comment ça s'est passé? Ils sont tous non volants, à part. Les tinamous qui vivent en C'est Amérique, vrai. qui eux sont volants, qui d'ailleurs sont le plus proche cousin des moas. Hein, OK. et comment ça se fait que du coup on a les moas qui ne volent pas, qui sont en Nouvelle-Zélande, et on a les tinamous qui sont eux en Amérique du Nord ou Amérique centrale, et qui eux sont tout à fait capables de voler. Comment, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et du coup, le reste des familles autour d'eux, par contre, ne volent pas. Par exemple, vous avez les oiseaux éléphants, qui sont incapables de voler aussi, qui étaient à Madagascar, et vous avez le kiwi, qui lui aussi est incapable de voler, mais qui lui, par contre, n'est pas du tout à Madagascar. On peut l'expliquer peut-être par l'isolement insulaire, un phénomène assez classique qui permettrait justement d'expliquer pourquoi le tinamou vole et pourquoi les autres ne volent pas, ou est-ce qu'il y a Non, d'autres alors. raisons? C'était une théorie qui était très en vogue précédemment, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, les paléognathes ont divergé les uns des autres autour de l'Éocène, pour tout ce qui est Moa et Tinamou notamment. Et dans l'Éocène, donc dans cette période de temps qui est assez récente finalement, eh bien, on avait le monde qui était plus ou moins dans sa situation actuelle. Donc les îles étaient déjà là, les continents étaient plus ou moins déjà là et avaient leur position actuelle. Et donc en fait, les oiseaux qui étaient déjà situés sur des îles, bah de toute façon, enfin, il était difficile pour une espèce non volante de soudainement se retrouver sur une île, alors si elle n'y était pas auparavant. Donc en fait, normalement, si jamais effectivement c'était la séparation d'un bout de continent avec un autre, créant une île comme ça, qui aurait donc changé, qui aurait permis de faire une spéciation entre deux espèces non volantes, bah, ça se serait passé bien avant. Alors pas à cette époque-là. Or, les analyses génétiques nous disent justement que ces espèces sont beaucoup plus récentes que ça. Et donc n'ont pas pu se séparer à cause des îles qui se seraient formées au fur et à mesure de la formation des continents tels qu'on les connaît actuellement. Donc le mystère est resté entier jusqu'à récemment. Une étude, alors il y a plusieurs études sur le sujet, la dernière en date je crois date de 2020, sur de l'ADN mitochondrial cette fois. Et ces études montrent qu'en fait, vu que les oiseaux se sont séparés assez récemment, il s'agit pas d'une spéciation due à la dérive des continents, il s'agit d'une spéciation qui a été faite à partir d'un ancêtre commun qui, lui, était volant et qui s'est répandu plus ou moins à travers le globe. Et ensuite, tous ces animaux ont perdu de manière secondaire la capacité de voler. Voilà. Donc c'est en fait une perte du caractère volant sur toutes ces branches de l'arbre, à part sur la branche des tinamous. Fou ça, c'est fou. Voilà. Incroyable. Donc Donc c'est vrai que c'est marrant. l'Éocène, pour resituer, on est entre 55 et quoi? 30 millions d'années, quelque chose comme ça, Oui, c'est pour ça. l'Éocène. C'est ça. Pour resituer un petit peu le contexte. Voilà. Donc c'est assez récent, finalement. Enfin, dans l'histoire de la Terre, j'ai envie de dire, c'est assez Absolument, c'est assez récent. récent dans l'histoire de la Terre. Voilà. Pour nous, Dites-vous c'est que vrai que c'est ça fait 10 un peu millions loin, mais. d'années après la disparition des dinosaures, entre guillemets, même si, oulala, les dinosaures n'ont pas disparu, mais voilà, vous avez compris Oui, des vous avez dinosaures non compris ce que avien. je Voilà. voulais dire. Voilà. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est effectivement une question très intéressante, comment est-ce que tout ça, ça s'est placé là. C'est amusant, mais voilà. Donc ces oiseaux-là sont très très intéressants, et donc il y a plein d'études qui sont faites sur ces oiseaux, et cette dernière étude en date était très intéressante, donc pour avoir, comment est-ce que cet oiseau finalement voyait son environnement, se plaçait dans cet écosystème, quelles étaient ses habitudes. Il y a plein de choses à déduire de cet animal, parce qu'en plus, on a des oiseaux, par exemple comme le kiwi, qui sont intéressants parce qu'ils sont nocturnes, mais pour les moas, on ne savait pas si c'était nocturne, si c'était diurne, enfin on a que les squelettes, on a les momies certes pour certains, mais on n'a pas vraiment leurs habitudes. Or, quand vous étudiez l'œil, et notamment les récepteurs de l'œil, eh bien, on pouvait savoir si l'animal est plus nocturne ou diurne, en fonction des couleurs qu'il va voir par exemple. Absolument. Et si vous étudiez son sens du goût ou de l'odorat, vous allez pouvoir savoir s'il utilise effectivement son odorat ou son goût pour certaines choses, que ce soit pour chasser par exemple, ou bien pour manger certaines choses peut-être, qui sait. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce genre de perspective sur. Et oui, on est capable de tout ça. Rendez-vous compte, c'est fou, hein. Ça, c'est incroyable, moi je trouve. Donc voilà, une petite étude sympathique, pour changer un peu de sujet. Changer un petit peu de la grippe et tout ça. Voilà, quelque chose d'un peu plus léger. Mea culpa, ce n'est pas sur les moas qu'est le livre d'Éric Buffetot. Tu parlais de Madagascar tout à l'heure. Oui, c'est sur les oiseaux éléphants. C'est sur les oiseaux éléphants et aussi tout ce qui dérive en termes de mythes et de légendes autour des oiseaux éléphants, notamment Simurgh. Voilà, que vous connaissez de la mythologie perse. Voilà. Donc, bon, c'est pareil. Intéressez-vous à ce livre, il est vraiment très cool. En plus, il coûte pas très cher par rapport à d'autres livres ornithologiques. Ceci n'est pas un placement de produit, je le précise. Vous apprendrez des tas de trucs sur l'oiseau éléphant, notamment la taille de leurs œufs, qui était quand même assez incroyable. Impressionnant. Voilà. Impressionnant. Faudrait que je le relise, tiens. Faudrait que je le relise. Bah justement, je vais aller le relire, donc on va mettre un terme à l'émission. Merci beaucoup Sophie de nous avoir parlé du moa. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh bien non, ce sera tout pour moi. Eh bien, parfait. Dans ce cas, je prends en charge la fin de l'émission en te remerciant. Oui, j'ai galéré. En disant qu'on te retrouve sur Twitter, qu'on te retrouve sur Instagram. Oui, on est sur Instagram désormais. C'est Sophie qui s'occupe de tout ça. Vous pouvez aller la remercier directement sur le Twitter du Courrier de la Sterne ou sur son Twitter personnel, Plumeux, comme sur Twitter. Vous retrouvez le podcast, bien évidemment, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc., etc., etc. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube et vous nous retrouvez, bien évidemment, la semaine prochaine pour parler d'oiseaux. Salut à tous et salut à toutes. À plus.